Chapitre 9. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les conduisit sur une haute montagne où ils se trouvèrent seuls. Il changea d'apparence devant leurs yeux. Ses vêtements devinrent très brillants et tellement blancs que personne sur toute la terre ne pourrait les rendre aussi blancs. Puis les trois disciples virent Élie et Moïse qui parlaient avec Jésus. Pierre dit alors à Jésus, Maître, c'est bien que nous soyons ici. Nous allons dresser trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il ne savait pas que dire, car les autres disciples et lui-même étaient très effrayés. Un nuage apparut et les couvrit de son ombre, et du nuage une voix se fit entendre, Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Aussitôt les disciples regardèrent autour d'eux, mais ils ne virent plus personne. Jésus seul était avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, Ne racontez à personne ce que vous avez vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme revienne à la vie après sa mort. Ils obéirent à l'ordre, mais ils se demandèrent entre eux, Que signifie ce revenir à la vie après la mort? Puis ils demandèrent à Jésus, Pourquoi les maîtres de la loi disent-ils qu'Élie doit venir d'abord? Il leur répondit, Élie doit en effet venir d'abord pour tout remettre en ordre. Mais pourquoi les Écritures affirment-elles aussi que le Fils de l'homme souffrira beaucoup et qu'on le traitera avec mépris? Cependant, je vous déclare qu'Élie est déjà venu, et les gens lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, comme les Écritures l'annoncent à son sujet. Quand ils arrivèrent près des autres disciples, ils virent une grande foule qui les entourait et des maîtres de la loi qui discutaient avec eux. Dès que les gens virent Jésus, ils furent tous très surpris et ils coururent à lui pour le saluer. Jésus demanda à ses disciples, « De quoi discutez-vous avec eux ?» Un homme dans la foule lui répondit, « Maître, je t'ai amené mon fils car il a un esprit mauvais qui l'empêche de parler. Partout où l'esprit le saisit, il le jette à terre, l'enfant a de l'écume à la bouche et grince des dents, son corps devient raide. » J'ai demandé à tes disciples de chasser cet esprit, mais ils ne l'ont pas pu. Jésus leur dit, Incrédule que vous êtes, combien de temps encore devrais-je rester avec vous? Combien de temps encore devrais-je vous supporter? Amenez-moi l'enfant. Et on le lui amena. Dès que l'esprit vit Jésus, il secoua rudement l'enfant. Celui-ci tomba à terre, il se roulait et avait de l'écume à la bouche. Jésus demanda au Père, « Depuis combien de temps est-il ainsi ?» Et le Père répondit, « Depuis sa petite enfance. » Et souvent l'Esprit l'a poussé dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. « Mais si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et aide-nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, dis-tu, mais tout est possible pour celui qui croit. » Aussitôt le Père de l'enfant s'écria, « Je crois. » Aide-moi car j'ai de la peine à croire. Jésus vit la foule accourir près d'eux. Alors il parla sévèrement à l'esprit mauvais et lui dit, Esprit qui empêche de parler et d'entendre, je te le commande, sors de cet enfant et ne rentre plus jamais en lui. L'esprit poussa des cris, secoua l'enfant avec violence et sortit. Le garçon paraissait comme mort. De sorte que beaucoup de ceux qui étaient là disaient « Il est mort ». Mais Jésus lui prit la main et le fit se lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut rentré à la maison et que ses disciples furent seuls avec lui, ils lui demandèrent « Pourquoi n'avons-nous pas pu faire sortir cet esprit ?» Et Jésus leur répondit « C'est par la prière seulement qu'on peut faire sortir ce genre d'esprit ». Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on sache où il était, car il enseignait ses disciples. Il leur disait, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes qui le mettront à mort, et trois jours après sa mort, il reviendra à la vie. » Mais les disciples ne comprenaient pas la signification de cette parole, et ils avaient peur de lui poser des questions. Ils arrivèrent à Capernaum. Quand il fut dans la maison, Jésus demanda à ses disciples, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils se taisaient, car en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir lequel était le plus grand. Alors Jésus s'assit. Il appela les 12 disciples et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il doit être le dernier de tous et le serviteur de tous. » Puis il prit un petit enfant et le plaça devant eux. Il le serra dans ses bras et leur dit, « Celui qui reçoit un de ces enfants à cause de moi, me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit, ce n'est pas seulement moi qu'il reçoit, mais aussi celui qui m'a envoyé. » Jean dit à Jésus, « Maître, nous avons vu un homme qui chassait les esprits mauvais en ton nom, et nous avons voulu l'en empêcher parce qu'il n'est pas avec nous. » Mais Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car personne ne peut accomplir un miracle en mon nom et tout de suite après dire du mal de moi. Car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera à boire un verre d'eau parce que vous appartenez au Christ, eh bien, je vous le déclare, il recevra sa récompense. Celui qui détourne de moi un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une grosse pierre et qu'on le jette dans la mer. Si c'est à cause de ta main que tu tombes dans le péché, coupe-la. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vraie vie avec une seule main que de garder les deux mains et d'aller en enfer dans le feu qui ne s'éteint pas. Si c'est à cause de ton pied que tu tombes dans le péché, coupe-le. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec un seul pied que de garder les deux pieds et d'être jeté en enfer. Et si c'est à cause de ton œil que tu tombes dans le péché, arrache-le. Il vaut mieux pour toi entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil que de garder les deux yeux et d'être jeté en enfer. Là, les vers qui mangent les corps ne meurent pas et le feu ne s'éteint jamais. Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd son goût, comment le rendrez-vous de nouveau salé? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix les uns avec les autres.